Quand les deux hommes se furent rafraîchis, Pierre expliqua à son fils la suite de ses projets, savoir qu'il demeurerait à Sassy avec son beau-père, parce que cela était nécessaire pour leur entreprise. Il lui parla des fonds que Thomas Dondaine devait fournir. Il s'exprimait avec tant de bonté qu'Anne Simon, respectueusement assise, à quelque distance, écoutait le père et le fils avec admiration, en pleurant de joie. « Ma femme, dit Pierre, dans 3 jours, c'est un homme que mon fils, et vous et moi, nous devons déjà commencer à lui parler, avec la considération que demande cette qualité. » Il faut d'être mère pour imaginer comment le cœur d'Anne Simon bondit à cette expression familière de son mari. La mère d'un homme peut seule en sentir la force et la valeur. Aussi, Anne Simon ne répondit-elle que par un cri de joie inarticulé. Et il sembla ensuite, durant le souper, que cette digne femme servit son fils et lui parla avec respect. Ce qui lui attira de son mari un compliment nouveau. Il l'appela Sarah, vertueuse Sarah, ce qui est la plus grande louange qu'on puisse donner à une femme. Pierre dit ensuite à son fils, « L'art le plus digne de l'homme, c'est l'agriculture. Tous les autres sont appuyés sur lui. Les richesses ne sont richesses qu'autant qu'il les réalise. Restons à la source. Elle est plus pure que le ruisseau. Il est noble d'exercer l'art duquel dépendent tous les autres. Qu'est-ce que le marchand? C'est notre serviteur. L'artiste et l'artisan n'existeraient pas sans nous. Sentons notre importance, mon fils, et soyons-en fiers. » Edmond, pendant cette soirée, fut comme enivré et tenu hors de lui-même par des scènes si nouvelles dans sa famille. Mais la nuit retombée dans le calme de son propre cœur, ses réflexions furent cruelles. L'amour, ce maître impérieux, plus puissant encore sur les belles âmes, parce qu'il y est une vertu, l'amour lui fit sentir tout ce qu'il y a de rigoureux et de déchirant. L'image de la belle Rose Pombelin, l'idée de son digne et vertueux père, le souvenir des bontés de toute cette divine famille amoncela sur son cœur navré 1000 et 1000 regrets. Placé entre 2 précipices, la perte de ce qu'il adorait, du bonheur de la vie, d'un sort doux, agréable, glorieux même, d'une fortune enfin, et la désobéissance aux volontés paternelles, il ne s'y envisagea qu'un instant. La désobéissance lui fit horreur. Elle n'était pas même possible avec Pierre, d'après son caractère et l'éducation qu'il avait donnée. Edmond se jeta de l'autre côté en frémissant. Mais quel cruel effort! 40 ans de regrets n'avaient point encore effacé leur cause, lorsque ces faits m'ont été racontés par la bouche vénérable de mon père. Plus fatigué de ses peines intérieures que du voyage, Edmond, qui n'avait pas fermé l'œil durant la nuit, s'endormit au point du jour, et se leva un peu plus tard que de coutume. À son réveil, il trouva toute la maison en agitation. Il s'informe. Une fièvre violente a saisi son père. Edmond vola lui. Les premières paroles de Pierre à son fils furent « Mon ami, si j'en meurs, promettez-moi d'accomplir mes projets, dans le même délai fixé. J'y tiens, je le veux. Je le jure, mon père. Béni sois-tu, car tu portes la joie dans l'âme de ton père mourant. Mourant, vous, mon père, Dieu ne le permettra pas. Je me sens frappé. » Et l'empêchant de lui répondre, « Tranquillise-moi, vague aux affaires. Ta mère et tes sœurs ne sont que trop suffisantes pour me bien soigner, tu le sais. Va qu'aux affaires, mon fils, et sois homme. Il n'y en aura bientôt plus qu'un ici. » Edmond, qu'un geste vif de son père pressait encore plus que son discours, se retira suffoqué de douleur. Il obéit exactement et suivit un agenda que sa mère lui remit, pour les affaires de la maison. Il ne revit son père qu'à l'heure du dîner. La violence de la fièvre paraissait un peu diminuée. Mais le malade était oppressé. Et comme sa répugnance extrême pour la saignée ne permettait pas d'employer ce remède, on était au désespoir. Edmond lui rendit compte, mais à peine Pierre pouvait-il lui répondre. Il approuvait d'un signe. Il eut soif. « Mon fils, donnez-moi à boire. » Catherine accourut. « Non, je veux mon fils. Dieu te bénisse. Aide-moi, comme je te bénis, et sois le père de ses filles, et le soutien de cette bonne et honorable femme après moi. » Et il but avec une sorte d'avidité. Edmond pleura. Anne Simon poussa un douloureux sanglot. « Une saignée, dit-elle. »« Non, non, interrompit-il. Dieu me sauvera, s'il lui plaît. »« Mon père, dit Edmond. »« Mon fils, je t'entends, non. La nature est ma mère. Je ne veux de secours que d'elle. Pour toi, va qu'aux affaires. » Edmond le quitta. Le soir, il y avait un peu de mieux. Mais beaucoup d'abattements. Le lendemain, redoublement sur redoublement, la tête s'embarrassa. Tout étranger était vigoureusement repoussé. Mais Pierre fut toujours doux envers sa femme et son fils. dans le délire même, il les reconnaissait. Le troisième jour, il revint à lui quelques moments. Il se rappela que le mariage aurait dû se faire ce jour-là. Il en parla au curé, et se plaignit de ne pas avoir cette satisfaction. « Prendra-t-il femme en mettant son père au tombeau ?» dit le pasteur. « Oui, oui, monsieur. » On se disposait à obéir, et à partir pour Sassy. Mais il survint une crise terrible, dans laquelle Pierre Rétif expira, sur les 1 heure après-midi, âgé de 42 ans. Edmond ne sentit d'abord que la douleur d'une si grande perte. C'était un sentiment bien différent de ceux qu'ont les enfants ordinaires. Le père d'Edmond était pour lui un dieu visible, et il le perdait. Jamais douleur ne fut si vive. Son désespoir aurait arraché des larmes aux plus indifférents. Thomas Dondaine arriva. On lui avait envoyé annoncer la mort. Edmond, en l'apercevant, se lève et court à lui. « Je n'ai plus que vous, mon père, lui dit-il. Je vous ai été donné par le mien. Vous êtes son choix. Je vous promets et vous jure le même respect et la même soumission que j'avais pour lui. » Thomas, qui n'ignorait pas les dispositions du cœur d'Edmond, avait cru le mariage rompu. Il était venu avec l'intention de rendre les paroles, sous prétexte que les associations proposées ne pouvaient plus se faire. Mais il fut si surpris et si ému de l'action d'Edmond qu'il l'embrassa en lui disant « Et tu ne seras pas mon gendre, tu seras mon fils. Je vais dire à ma fille qu'elle compte sur le bonheur, car le fils respectueux est bon mari. Tu lui as plu. Bénis soyez-vous tous deux. Vous serez la consolation de ma vieillesse, et nous pleurerons ensemble la perte de mon ami. Je pars. Demain, je ramènerai ma fille. Je veux qu'elle assiste en deuil aux funérailles de l'honorable Pierre, comme si elle était déjà sa bru, et qu'elle partage ta douleur et tes larmes. Mon père, dit Edmond, le digne homme, voulait que ce fût aujourd'hui. Que ce soit demain, dit Thomas, l'obéissance vaut mieux que la décence. Je veux, si c'est l'avis de nos deux pasteurs, que le corps de l'honorable Pierre soit encore notre premier et plus respectable témoin. C'est ainsi que se fit ce mariage, car les deux pasteurs, prenant plutôt l'esprit que la lettre, y consentirent. Edmond alla à son devoir la tête baissée. Il épousa Marie Dondaine devant le corps vénérable de son père, et offrit au Seigneur son obéissance avec les ardentes prières pour l'éternel repos de l'auteur de ses jours. Le pasteur, qui ne mariait pas, fit un petit discours à ses paroissiens. « Mes enfants, disait-il, c'est un fils qui obéit à son père mort. » Il leur expliqua que c'était par respect pour le défunt et par ses ordres qu'Edmond accomplissait son mariage d'une manière si extraordinaire. Ah, s'il avait pu tout dire, mais il le savait, et les deux vénérables pasteurs, le sage Pinard, curé de Nitry, et le bon Pendevent, curé de Sassy, étaient pénétrés d'admiration, et sanglotaient de compassion et de douleur. Après la cérémonie, on acheva les funérailles. Edmond suivit son père, voilé de larmes, anéanti, ne sachant où il était. Cependant, il tenait son épouse par la main, et semblait la présenter à son père et lui dire « Je vous ai obéi, bénissez-moi encore. » Lorsque le corps fut descendu dans la fosse, le curé de Nitry, comme hors de lui-même, s'écria en français « Pierre, mon ami, mon compagnon, vous êtes obéi. Que votre âme bénie jouisse de l'éternel repos. Amen. » Et tout le peuple s'écria plusieurs fois « Amen. » Car Pierre était aimé, ayant toujours été intègre, inaccessible à la recommandation, ennemi des présents, et accommodant bien plus de procès qu'il n'en jugeait. Son fils l'a bien imité. Le pasteur, suivant l'usage, jeta la première pelletée de terre sur le corps. Au bruit qu'elle fit en tombant sur le cercueil, Edmond s'évanouit. Son beau-père et sa femme l'emportèrent, suivis des sœurs d'Edmond, car pour Anne, elle était à genoux auprès de la fosse, immobile, les yeux noyés de larmes et fixés vers le ciel, au point d'exciter la compassion de tout le monde. Les deux pasteurs la ramenèrent eux-mêmes, longtemps après que tout fut fini. En revenant à elle-même, comme d'un long anéantissement, son premier mot fut « Où est mon fils ?» Il s'approcha d'elle, soutenu par son beau-père, tandis que Marie Dondaine vint rendre ses services à Anne et la déshabiller pour la mettre au lit. On ne mangea ni ne but en ce jour de noces et de funérailles. Chacun s'en retourna comme il était venu, sans vouloir rien accepter et portant le deuil dans son cœur. Mais Marie demeura pour servir son mari et sa belle-mère et consoler ses belles-sœurs. Elle resta debout 3 jours et 3 nuits sans reposer, sans se déshabiller. Enfin, Edmond, touché de son bon cœur et de son zèle, prit sur lui-même, sentant bien qu'il se devait à sa femme. « Ma chère épouse, lui dit-il, vous méritiez un sort plus heureux et plus riant. Vous êtes venue généreusement vous associer à notre douleur et à nos larmes. Dieu vous bénisse. Et quant à moi, J'en conserverai une éternelle reconnaissance. J'aime mieux pleurer avec vous que rire où vous n'êtes pas, lui dit-elle. Votre douleur est légitime, et montre votre bon naturel, ô Aimon. Ne la contraignez pas, et souffrez que je la partage, car j'aime tout ce qui m'est commun avec vous, même les larmes. J'ai tiré tous ces détails d'un brouillon de lettres que mon père écrivit à M. Pombelin, 8 jours après son mariage. Cette lettre touchante commençait absolument sans aucun préambule, et contenait un simple récit. Elle finissait comme on va lire. J'ai rempli mon devoir digne et cher père. Je ne vous déguise rien. Je serai indigne du nom d'homme et de fils de Pierre R. que Dieu a recueilli dans son sein. Si je vous disais que j'ai la mort au cœur, il faut supporter son sort en homme. Mais il m'est permis au moins de vous dire que je fais les vœux les plus ardents pour le bonheur de mademoiselle Rose et de mademoiselle Eugénie, puissent-elles, ces dignes filles du meilleur des pères et de la mère la plus respectable, trouver autant de bonheur que j'en ai perdu, de toute façon. Ce souhait est le plus ample qu'âme humaine puisse former en leur faveur. Mes larmes m'offusquent. Je sais, ô digne, digne père, qui ne serait pas le mien. Signé N. Méritif. 3 mois après, Edmond reçut cette réponse. Mon cher R., je n'ai montré que depuis 2 jours votre lettre à ma famille. Pendant tout ce temps, j'étais profondément affecté, et tout en vous bénissant de votre obéissance, je regrettais un gendre, selon mon cœur, que le mauvais destin m'enlevait. Oui, mon cher fils, car tu l'es par l'estime et l'amitié. Je te loue. Tu m'as fait verser des larmes, mais elles étaient accompagnées de plaisir et d'admiration. Cependant, Rose, j'arrête ma plume et ma pensée, et je ne commettrai pas le crime de parler des sentiments d'une femme au mari de son épouse. Enfin, avant-hier, fatigué, autant que touché de compassion, j'entrai chez ma femme, ta lettre à la main. Elle était assise, une de ses 2 filles sur ses genoux. Eugénie travaillait en silence à côté d'elle. « Le pauvre garçon a écrit, leur dis-je. »« Il a écrit, dit mon épouse. »« Oui, mais il a 3 mois déjà que j'ai sa lettre. »« Je n'ai pas voulu la montrer plus tôt, à vous ni à mes enfants. »« Hélas, qu'il a eu à souffrir et que sa conduite a été belle. »« Vous allez la plaindre et l'admirer. » Ces mots ont produit comme une suspension dans les facultés de ces 3 chères femmes. Une a tendu les bras vers moi. Je n'ai rien répondu. Je me suis assis. J'ai commencé à lire ta relation, mon ami, depuis ton arrivée à Auxerre, jusqu'au moment où tu as mis la main à la plume pour m'écrire. Il est inutile de te peindre l'effet de cette lecture. Il n'y a que Génie qui te blâme. Encore est-ce par amitié? Bon fils, bon garçon, ah, que n'ai-je pu faire ton bonheur? Mais, mon cher ami, malgré tout, je n'en suis pas moins dans l'admiration des excellentes qualités de ton épouse. Quelle aimable candeur, quelle noble franchise. Il me semble sans cesse, et une de mes filles n'a pas laissé échapper ce mot, elle a dit qu'elle l'en aimait. Il me semble sans cesse entendre à mes oreilles, « Edmond, j'aime tout ce qui m'est commun avec vous, même les larmes. Bonne et tendre créature, qu'elle soit bénie, car elle n'est la cause de rien, et elle peut l'être, mon cher rétif, de votre félicité. » Vous voyez que je prends votre manière et vos expressions. C'est que votre manière est la bonne, et que vos expressions sont celles du cœur. Cependant, mon cher fils, je crois qu'il est nécessaire que notre correspondance soit rare, et par rapport à vous, et par rapport à nous-mêmes. Eugénie est une généreuse enfant, et me donne beaucoup de consolation. Quelques jours, peut-être, je vous entretiendrai de tout cela. Quant à présent, mon cher fils de cœur et d'amitié, je vous exhorte à vous conduire, comme vous avez commencé. Et à continuer de prendre les avis et les conseils du très cher avocat Maître Mollet le salut. Ce cher ami n'est pas heureux en gendre. Il n'y avait qu'un Edmond. Adieu, adieu, cher homme, qu'on aime ou l'on haïrait les autres, et qu'on a toujours raison d'aimer. Je suis avec l'affection la plus tendre et une estime sans restriction aucune. Signé tout à toi, Antoine Pombelin. P.S. Ma femme te salue et d'autres s'y joignent. Je ne le voulais pas écrire, mais ma main le veut, et mon cœur le commande en dépit de la raison. Reprenons l'ordre des faits. Edmond resta chez sa mère, avec sa nouvelle épouse, pendant 8 jours. Le 3e jour, on vit arriver. Maître l'avocat R. Il entra en silence, et portant les yeux à l'endroit où son ami avait coutume de se mettre, il poussa un profond soupir. Le cher homme, le terrible homme tant aimé, il s'est caché de moi pour marier son fils, et pour empêcher le cruel et cher homme. « Oh, mon cousin, répondit Anne Simon, qui était seule alors au logis, votre venue est seule d'un bon ange, chez de pauvres malheureuses affligées. Mais ne soyez pas fâchés contre mon fils, pour le cher. » Un sanglot fut son nom. « Il n'est pas possible que vous lui en vouliez. Il ne saurait plus se défendre, ni vous répondre. Oh non, non, je ne lui en veux pas. Dieu lui fasse paix, le cher homme. Mais contez-moi donc, ma cousine, les choses étranges qui me sont revenues. Et ce mariage si prompt et si secret, fait sur la tombe ouverte d'un père ? Anne conta, autant que sa douleur le lui permit, de point en point comme toutes les choses s'étaient passées. Et quand elle eut fini, le digne parent, hors de lui-même, s'écria « Je reconnais bien là le cher Pierre, mais pour Edmond, pour votre fils, il a passé mes espérances, qu'il soit béni. Ce sera la consolation de votre vieillesse et l'honneur de notre nom. Où est-il que je l'embrasse ?» Comme il achevait de prononcer ces paroles, Marie d'Ondaine entra en laborieuse ménagère. Elle fit une modeste révérence à l'étranger et vint à sa belle-mère pour l'embrasser et essuyer ses larmes, mais sans parler, car elle était d'un pays où l'on est fort silencieux. « Quelle est cette bonne et obligeante créature ?» dit Monsieur R. « C'est ma bru. »« Ah, madame, pardonnez. »« Ma cousine, pardonnez. »« Je vous pardonnerai donc, monsieur, d'avoir dit à mon sujet une chose obligeante. »« Où est votre mari, ma fille ?» lui dit Anne. « Il est à son devoir. » Elle voulait dire qu'il était allé, après ses affaires, comme il faisait trois fois le jour, pleurer sur le tombeau de son père. « Est-il loin ?» dit l'avocat R. Marie d'Ondaine, qui ne voulait pas s'expliquer plus clairement devant sa belle-mère, offrit aux bons parents de le conduire. Il la suivit. En chemin, elle lui expliqua où était son mari. « Demeurez, lui dit-il, ma cousine, auprès de votre mère. Je cours trouver Edmond par besoin et de volonté. » Il trouva le plus tendre des fils prosterné sur la pierre froide qui couvrait son vénérable père. Il se mit à genoux sans en être aperçu, et après qu'il eut fait ses prières, il éleva la voix en pleurant. « Ô Pierre, l'ami de mon enfance, le compagnon de ma jeunesse, le plus aimé de mes parents, qui m'aurait dit, lorsque je te trouvais pensif et rêveur avec moi, il y a 15 jours, que je voyais pour la dernière fois mon ami et le compagnon de ma jeunesse. Hélas, hélas, infortunés que nous sommes, nous mourrons en détail, en perdant nos chers amis, et le plus malheureux n'est pas celui qui, de même que toi, meurt le premier, à la fleur de son âge. » À cette tendre et douloureuse complainte, Edmond s'était relevé. Il l'interrompit en jetant ses deux bras au cou du digne parent. Et ainsi enlacés, ils mêlèrent leurs larmes et confondirent leurs sanglots. Ensuite, ils revinrent lentement à la maison, car dans ce court trajet, Edmond raconta à son digne second père tout ce qu'Anne ignorait. Il parla de M. Mollet, de Mlle Pombelin, de ses sentiments, du sacrifice qu'il en avait fait. On a dans notre famille une sorte d'enthousiasme pour les belles choses qui transporte quelquefois hors de ses bornes. On en vit un exemple en cette occasion. Jean R., ce digne parent, que Dieu bénisse et qu'il a béni dans la postérité, s'arrêta, muet d'étonnement. « Toi à plaindre, dit-il vivement. Non, non, non. Je te porte envie, tu es trop heureux. Ah, Edmond, je suis jaloux et de toi et de ton père, tout mort qu'il est. Je vous envie tous et ne vous plains plus. » Je savais bien que nous avions et de l'âme et du feu, et de cet honneur digne de la source de notre sang. Mais je n'ai vu la plénitude de notre vertu qu'en toi, à 20 ans. Ne dégénère pas, Edmond. Sois pauvre, sois riche, qu'importe. Ton sort est fait. Il est au-dessus de la fortune. Ô nos aïeux, si vous voyez en ce moment votre digne petit-fils, quelle joie doit inonder dans le céleste séjour vos âmes vertueuses. Et vous, belle rose, que vous avez perdu. Mais mon ami, j'ai vu ta femme. C'est elle qui m'a enseigné où tu étais. Elle a l'air d'un digne sujet. Le ciel la bénisse. « Car ou je me trompe fort, ou ce sera une autre Anne Simon. » Le ton d'enthousiasme avec lequel il avait parlé suspendit pour quelques instants la douleur d'Edmond. Il l'éleva au-dessus de lui-même. Il fut bien aise pour la première fois du noble sacrifice qu'il avait fait. Je ne prétends pas ici tenir registre de toutes les actions de mon père. Il en est qui rentrent dans le cours ordinaire de la vie. Je dirais seulement qu'il alla demeurer à Sassy, qu'il y servit son beau-père cette année, durant lesquels il eut 7 enfants de Marie d'Ondaine, qu'il eut beaucoup à souffrir de l'humeur dure de Thomas, son beau-père, mais qu'il le supporta avec une héroïque patience, à cause de son épouse qui était véritablement une excellente femme, que son esclavage, car c'en était un véritable, l'envie qu'avait Edmé R d'être utile à sa bonne mère et à ses 3 sœurs, faisant qu'il se crevait de travail, que son esclavage finit à la mort de la respectable Marie, qu'il resta néanmoins 7 ans veuf. Mais il y a quelques détails sur lesquels il faut revenir.